On va parler d'NCAA avec notre ami Wallet. Salut Wallet. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien. Wallet, avant de commencer à parler des matchs de football de l'NCAA, parce que c'est l'entrée en scène en fin de semaine du SEC. Moi, je pense que quelque part, c'est la vraie saison de football qui commence en fin de semaine. Débat intéressant que je sais pas si c'est toi qui as lancé ça sur Twitter, mais en tout cas, je te le dis, là. J'ai trouvé ça fort, fort agréable de voir. C'est qui a posé la question dans votre gang? Qui est la plus grande rivalité de l'histoire de la NCAA? Et moi, je suis allé dans mes prédictions, donc, pas dans mes prédictions, mais je suis allé pour moi, c'est Michigan State, mais il faut pas oublier OK. également Army-Navy, hein? Ouais, ben dans le fond, pour ceux qui se posent la question, là, justement, qui a posé la question là, sur le Twitter du Blitz NFL. Puis pour ceux là, qui aiment qu'est-ce que je parle avec Danny, je fais un podcast qui dure environ une heure et quart à chaque semaine avec les boys de Sport Lucide. On est Ouais. sur toutes les plateformes. Puis cette semaine, ben, c'était la question de la semaine. On posait la question, quelle est votre rivalité préférée? Puis, il y a eu beaucoup de réponses. Army-Navy, je pense qu'on en a parlé avant de rentrer en onde, Danny. C'est un classique. C'est probablement celle qui a le plus d'histoire. Puis, celle qui est la plus particulière parce que souvent, les rivalités, c'est deux équipes qui s'aiment pas. C'est des équipes qui. Quand on dit qu'ils s'aiment pas, ils s'aiment vraiment pas. Il y a des histoires, il y a des histoires aux criminels là, Ah oui, tant que dans ça. certaines rivalités. Là, je pensais à. Alabama contre Auburn, là, je pense qu'il y a un partisan d'Alabama qui s'était fait arrêter pour avoir poisonné des arbres il y a de ça quelques années. Army-Navy, on voit pas vraiment ça, il y a un peu plus de respect. On le sait, c'est des étudiants dans les académies militaires qui, après leur passage de 4 ans, ben, ils vont se retrouver sur le terrain, un à côté de l'autre. Je pense que, ouais, comme tu dis, Army Navy, c'est probablement la plus grosse. Je suis content que tu parles de Michigan State parce que on parle souvent de Michigan, Ohio State. Puis je Ouais. sais que tu es un fan des Wolverines, mais depuis environ 10 ans, il n'y a plus de rivalité dans le sens que Michigan n'est même rarement compétitif dans ces matchs-là. Contrairement à la rivalité Michigan-Michigan State, les deux équipes ont des bons matchs, des matchs serrés à chaque année. Donc, non, ça faisait partie des réponses qu'on voyait beaucoup. On a vu beaucoup de Auburn, Alabama aussi, là, parmi les rivalités que les gens adorent. Ça faisait partie là, du top 5 là, de qu'est-ce qu'on a vu Florida, avec Florida Oklahoma. State, ça a-tu sorti aussi? On a eu Florida State-Miami, deux équipes de la ACC. Ouais. Mais Florida State, je ne sais pas s'il est sorti. Parce que Bon, ça, souvent à c'est quand cause même une des horaires. rivalité, Florida State, ça a quand même été une rivalité dans le passé, hein? Ouais, ben, je pense que c'est un peu le même son de cloche, le Florida. Ils connaissent du bon succès, Florida State, depuis leur dernier championnat national, il y a de ça, quoi, 7 ans. C'est un peu plus difficile. C'est une équipe qui est pas au sommet année après année. Donc je pense que, un peu comme Ohio State, Michigan, quand il y a une des deux équipes qui fait moins bien, je pense que la rivalité est peut-être moins présente au jour le jour. Mais je suis confiant là, que dans les deux cas, que ce soit dans le cas de Michigan ou dans le cas de Florida State, que les deux équipes vont revenir au sommet dans un avenir rapproché, puis on devrait avoir des rivalités qui sont un peu plus Je viens de intéressantes. poser la question sur les médias sociaux, puis je viens d'avoir une réponse. Dis-moi ce que tu en penses. UCLA, USC. Florida State, c'est moi qui viens de le dire. Ole Miss, Mississippi State, ça, je connais moins. Ben, Ole Miss, Mississippi State, c'est deux équipes qui, malheureusement, sont jamais au sommet de la ACC. Puis pour ces deux équipes-là, remporter ce match-là, c'est quasiment remporter pour eux le championnat national. C'est malheureusement, comme que je disais en début d'intervention, c'est une rivalité qui est souvent un peu, qui déborde un peu sur le terrain puis à l'extérieur du terrain. C'est vraiment des équipes qui s'aiment vraiment pas, les fans s'aiment vraiment pas. Donc, c'est une rivalité vicieuse, là, Notre-Dame, USC. Ouais, Notre-Dame USC, un autre qui est un classique, Ouais. Notre-Dame qui depuis longtemps, qui se déplacent, qui sont allés jouer en Californie contre USC, puis les USC ont retourné l'appareil pour aller jouer en Indiana. Donc, une autre grosse rivalité. Je pense que c'est vraiment difficile de dire laquelle qui est la meilleure. Au final, si tu es un fan d'une équipe X, puis qu'il y a une équipe que tu n'aimes pas, puis que ce match-là, ben, tu l'encercles sur ton calendrier parce que c'est la journée spéciale, ben, je pense qu'on peut pas dire qu'une rivalité est meilleure qu'une autre. Je pense, comme que je viens de le dire, au final, c'est vraiment ce qui intéresse les fans en premier lieu qui est important. OK, as-tu entendu parler du Pac-12? Parce que je sais que ça se décidait, c'était aujourd'hui que ça se décidait s'il y avait des nouveautés dans le Pac-12. Oui, j'ai été actif un peu sur les réseaux sociaux ce matin. J'ai rien vu Mais il passer. y a Faut se rappeler, 3 heures le de Pac-12, différence aussi, il faut pas exactement, oublier. il y a 3 heures de différence. Ouais. Donc, Ça devrait peut-être on sortir en enregistre en ce soirée. moment. C'est ça, il est 1 h 30 à l'heure du Pacifique actuellement. Donc, moi, je ne suis pas surpris que durant le match du jeudi soir dans la NFL, on ait des nouvelles là-dessus. Les dernières rumeurs. Malheureusement, qu'est-ce qui est triste, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement, on dirait. Là, la semaine passée, je disais qu'il y avait USC qui avait montré un certain intérêt à revenir jouer, mais on n'a pas vraiment vu d'autres équipes, que ce soit des parents, que ce soit des fans, qui poussent vraiment. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que la Pac-12 fait, parce que moi, j'ai l'impression que plus qu'attendre, plus que ça va être difficile de revenir tôt, puis d'être admissible aux éliminatoires, puis faire une saison sans les éliminatoires, c'est un peu une saison gaspillée. Ça Non. pourrait faire mal, ça va faire mal pour le recrutement, donc ça va être intéressant à suivre. La division 2, est-ce qu'on entend parler d'après les fêtes? Toujours? Ouais, c'était des rumeurs, j'ai Ouais. rien vu passer Ah. par rapport à ça. Moi, je pense que ça pourrait être une belle occasion pour Ben ces oui. joueurs-là de se faire voir avec des contrats télé. On commence la saison la semaine après le championnat national, donc la semaine du 12-13 janvier, une saison de 10 semaines, puis ça va permettre à des joueurs qu'on connaît pas vraiment de se Ben oui. donner une belle fenêtre pour la NFL. Et ça devrait être toujours. On avait parlé dans le podcast en début de saison ou cet été. Ça devrait toujours être ça. Ça devrait toujours être ça. C'est pas compliqué. Oui, puis je pense qu'il y a même des joueurs qui, exemple des joueurs de première ou deuxième année, qui, malheureusement, exemple au secondaire, n'ont pas été bien recrutés, pourraient justement se faire un nom au printemps quand les instructeurs ont plus le temps de les regarder jouer, puis éventuellement se faire inviter à faire un transfert vers une conférence plus forte, un plus gros programme. Puis, ben, je pense que c'est au bénéfice de beaucoup de personnes. Moi, je suis d'accord avec cette idée-là. Je me rappelle bien, c'était David Pollack qu'on voit sur ESPN, là, qui est un ancien de Georgia, qui avait sorti cette idée-là. Je trouvais que l'idée était très, très bonne. Puis par la suite, ça a comme fait boule de neige. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé à en parler. Donc, est-ce qu'il y a possibilité que ça arrive? Oui. Moi, comme que tu viens de dire, puis comme qu'on s'était parlé cet été, s'ils font ça, faut pas que ça soit une saison au printemps, puis on recommence à l'automne Non, comme c'est normalement. Il carrément faudrait que ça changé. reste au printemps, puis ça offrirait du football de qualité à l'année longue là, pour les fans de football américain. Puis, ce serait meilleur l'exposure. L'exposure, c'est excellent, là. Donc, Non, ouais, là-dessus, il n'y OK. a pas de débat. Donc, c'est l'entrée en scène du SEC pour les gens qui sont moins habitués. Le SEC, c'est probablement avec le Big Ten, la plus grosse division du Pac-12. Pourquoi j'ai dit que c'était probablement l'entrée de la vraie saison commence? C'est tout simplement parce que. Il y a des équipes comme Georgia, Alabama, LSU, c'est leur entrée en scène. Clemson est commencé, c'est vrai. Donc, comment tu vois ça, là? Est-ce que tu penses que Georgia, l'Alabama sans toi, c'est ça leur première année? Est-ce que la relève est bonne du côté Du Roll Tide. d'Alabama, des Ouais, Crimson ben Tide ça, pour moi je pense que c'est une saison intéressante dans le sens que Et comme c'est tête. on a eu un début de saison il y a de ça 2 semaines avec la SEC, la Big 12. Là, on a la SEC qui revient, puis dans un mois, on a la Big Ten. Comme tu viens de le dire, je pense que c'est même plus une question à avoir un argument. La SEC est de loin la conférence meilleure dans le college football, celle qui produit le plus de talent au niveau de la NFL. Pour ce qui est de la saison, à quoi s'attendre? Mais comme tu viens de le dire, le départ de Tua Tagovailoa pour les Dolphins de Miami laisse un trou béant à la position de carrière pour le Crimson Tide d'Alabama. On a eu la chance de voir Mac Jones l'an dernier. Mac Jones qui est un vétéran qui revient, si je ne me trompe pas, pour sa troisième saison. Mac Jones devrait être le partant pour une partie de la saison. Si ça ne fait pas, si Mac Jones connaît des ratés, Alabama ont recruté l'an dernier un jeune joueur du nom de Bryce Young. Bryce Young qui est vraiment le futur de cette équipe-là, c'est un corps arrière qui peut lancer, qui peut courir un peu comme on a vu avec Tua. Donc, si ça ne fonctionne pas pour eux avec Mac Jones, Bryce Young est là, prêt à sauter dans la mêlée. Du côté de Georgia, Georgia là, qui est potentiellement favorite pour gagner la conférence de l'Est. JT Daniels, un transfert de USC qui devrait être partant au courant de la saison, là. Les dernières rumeurs disent qu'il se remet d'une blessure et qu'il ne sera pas partant pour la première semaine. Donc, on devrait le voir au courant de la saison. Au niveau des champions en titre, les Tigers de LSU, ben, on le sait, là, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Là, c'est 17 partants qui sont partis pour la NFL ou qui ont décidé de ne pas jouer pour la saison. Il compte sur la présence de Miles Brennan au poste de corps arrière. Miles Brennan, qui lui aussi est à sa troisième saison, qui n'a jamais vraiment eu du temps de qualité. On parle quand même d'un joueur qui avait été bien recruté il y a de cela 3 ans. Un joueur 4 étoiles issu du Mississippi. On dit de belles choses sur lui. Ça va être intéressant de voir là, qui va être sa cible de choix. Moi, si j'avais un joueur à regarder du côté de LSU, le receveur rapproché ou tight end en anglais, le numéro 2, Arik Gilbert. Beaucoup de gens disent que c'est le meilleur joueur à sa position qui a jamais joué au college football avant même d'avoir joué. Donc, ça donne une cible de choix à Miles Brennan. Sinon, ben, tu as Florida avec Kyle Trask qui devrait être encore une fois au sommet. On a beaucoup d'équipes qui vont être intéressantes. J'ai hâte de voir ce que Mississippi State vont faire avec Mike Leach, qui est leur instructeur-chef. On le sait, Mike Leach, c'est un instructeur qui a eu du succès avec ses corps arrière, avec du jeu aérien, puis est allé recruter KJ Costello à Stanford. Donc, KJ Costello, qui est le partant à Mississippi State, je pense que ça va être super intéressant de voir qu'est-ce que l'offensive de Mike Leach va être capable de faire contre les défensives dominantes de la SEC. OK. Match de la semaine dans la NCAA. Je pense que ça implique encore Louisville comme match de la semaine 24-21, c'est ça, la 24 position contre la position 21. J'ai perdu la page, pour ça j'ai de l'air à me chercher, là. Mais ça va revenir dans quelques secondes. Ouais, Louisville joue contre Pittsburgh, Ouais, qui c'est est le match, apparemment c'est un ça match un exactement. peu. Ouais. Qui est un match qui va être intéressant, là, si je ne me trompe pas. C'est un match qui va être sur les ondes de TSN 2 ou 3 à midi. On l'a vu la semaine passée, Louisville, avec leur carrière Malik Cunningham, est capable de faire beaucoup de points. Le problème de Louisville, c'est qu'il en accorde beaucoup. Donc, j'espère avoir un resserrement au niveau de leur défensive. Pitt, on le sait, c'est une équipe qui. On dirait qu'à chaque année, ils trouvent les moyens de surprendre. Là, depuis le début de la saison, ce sont 2 victoires, aucune défaite. On ne parle pas de victoire exceptionnelle, mais quand même, une victoire la semaine dernière de 21 à 10 contre Syracuse. Ça devrait être un match chaudement disputé ce samedi. Sinon, un autre match qui va être joué à midi encore une fois, puis celui-là, si je ne me trompe pas, est aussi présenté sur un des 5 TSN. C'est Kentucky contre Auburn. Je pense qu'il faut pas dormir sur Kentucky cette saison-là. J'aime qu'est-ce que leur entraîneur, Mike Stoops, a été en mesure de faire là, dans les dernières années avec le recrutement. Ils ont une bonne ligne offensive. J'oublie le nom de leur porteur de ballon, mais leur porteur de ballon qui va être intéressant à suivre cette saison. Je C'est pense sur que. SEC Net. Ah non, c'est sur ESPN Network. C'est sur SEC Network, donc le match que tu parles. Donc SEC Network et ESPN, je suis pas sûr qu'on va l'avoir au Canada ce match-là. Ben, Moi, je vais ESPN, l'avoir, en c'est tout cas, mais tu peux l'avoir TSN, là, mais. sur Je pense que. Ouais. Ouais. Vas-y. Ouais, non, c'est ça. Je pense que ESPN et TSN. TSN, on sent, ils ont les gros matchs que ESPN vont présenter, là. C'est parce que moi Mais j'ai juste que j'en. ESPN maintenant, fait que je te dirais quand t'as l'original, tu prends pas la copie, Non, effectivement. hein? Ouais. Donc c'est le match à voir. C'est les deux matchs à voir. Dans les assistants, c'est ça, quand tu parlais d'autres choses, ça va-tu changer? Ça va-tu Ben là, je pense qu'avec le retour de la SEC, on va vraiment voir comment Oui. que qu'est-ce que le futur va avoir là. Parce que dans la SEC, sur 14 écoles, je pense qu'il y en a 12 ou 13 qui vont avoir des partisans, que ce soit entre 15 à 25 %. Donc, par exemple, le match entre Mississippi State et LSU qui va être joué à Bâton Rouge samedi, 25 % dans le stade des Tigers de LSU. On Ah, c'est parle bon, avec cousin. d'environ 26 000 personnes qui devraient être dans le stade. Donc, si tout va bien, si les cas de COVID n'explosent pas, il y a possibilité qu'on voit d'autres conférences emboîter le pas, puis même voir la SEC augmenter le nombre de partisans dans les gradins. Donc, c'est un bon début, là. On a du football, comme tu as dit en début À 26 000, ça commence à d'exprès. être intéressant. C'est comme foule, là, ça commence, c'est un bon fond. Ouais. Ouais, c'est similaire au football Ouais. de la Ligue canadienne de Ah, c'est ça. football. Ouais. Ça. Wallet, on s'en reparle vendredi prochain. Yes, Tout merci ami Danny. Wallet, site internet, le bits, NFL.com, la référence du football, une des bonnes références au Québec.